cours numéro 15. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi akhir ad-dars ma yata'allaq na'am bil mizan. قال شيخ الإسلام وأقر بالميزان والحوض الذي فما الدليل على هذا الميزان فparmi la croyance de Ahl al-Sunnah as-Salaf أنهم يكروا en ce mizan, cette balance. ما الدليل من القرآن؟ تفضل. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a cité al-mizan, mawazin au pluriel. Wa min as-sunnah, qui c'est qui a appris un dalil sur al-mizan fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Tafaddal. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tuhmu shatru al-iman wa alhamdulillah tamla'u al-mizan. Ahsant wa alhamdulillah tamla'u al-mizan. Al-hadith il est fi as-sahihayn an Abi Hurayra رضي الله تعالى عنه. دونك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أثبت هذا الميزان. وتقدم معنا أن عقيدة السلف la croyance des salaf أنه ميزان حقيقي. C'est une vraie balance. C'est pas comme ils disent بعض أهل البدع والأهواء أنه c'est la justice أو c'est l'équité أو من هذا الباب. لا. لا شك أن حكم الله عز وجل il est fondé sur العدل. لكن الميزان هنا ميزان حقيقي. ما الدليل؟ C'est quoi la preuve أنه ميزان حقيقي؟ عندما في الحديث أبي تعطى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع سجلات في كفة. نعم أحسنت. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. Donc les bonnes actions, elles seront placées sur un plateau, sur un côté de la balance, et les mauvaises sur l'autre. Ça montre que c'est un vrai mise. كذلك, on a vu un sahih, c'est que c'est un mizan فقط. والعلماء اختلفوا. أهل السنة, ils ont divergé في هذا. فبعضهم قال أنه c'est plusieurs mizan. Et ils se sont appuyés sur les hadith التي فيها الميزان على صيغة الجمع فمن ثقلت موازينه قال عز وجل ونضع الموازين القسط. Donc في القرآن le mot ميزان il est employé au pluriel موازين. فبعض العلماء قالوا c'est plusieurs balances. ونحن قلنا أن الصحيح c'est que c'est un ميزان. فما الجواب؟ أولا c'est quoi الدليل أنه c'est un ميزان؟ ثم ثانيا كيف نوجه الآية؟ Comment répondre à ceux qui disent qu'il y a plusieurs ميزان؟ أولا الدليل أنه سي أن ميزان عند من؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان. نعم. ففي السنة في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة الميزان وسنجلي تملأ الميزان. قال كذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان. لكن الآن قد يقول قائل أن في القرآن سو بلوغيل فبوركو اون دي كو سي ان ميزان. لابد الآن من بيان. في القرآن الجمع باعتبار الموزونات. في القرآن الجمع باعتبار الموزونات. ما معنى قولنا باعتبار الموزونات؟ هذا الحسنات الذي سي لي شوز كي مون بوزي في الميزان. Le pluriel, c'est pour démontrer que beaucoup de choses elles vont être pesées fil mizan. C'est pour ça qu'on dit mawzou, on a quelque chose qui est pesé. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ أي, ces bonnes actions, on a. Ces bonnes actions qui seront pesées sur ce mizan. Et on a un dalil, أصرح, أي, clair, qui montre que fil haqiqa, c'est qu'un mizan. عندما تذكرون حديث أنس. أحسن أن أنس رضي الله عنه كما في جامع الترمذي رحمة الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي أنا فاعل ثم قال أنس أين أطلبك يا رسول الله أي où est-ce que je pourrais te retrouver يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لي طلبني على الصراط ثم قال لي على الحوض ثم في الأخير قال فاطلبني عند الميزان ça montre qu'il y a un mizan c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné ce point de repère à Anas radiyallahu ta'ala anhu fa sahih anna c'est un mizan كذلك العلماء اختلفوا في الذي يوزن يوم القيامه اي c'est quoi qui sera pesé sur ce mizan est-ce que c'est la personne elle-même est-ce que c'est ses œuvres est-ce que c'est son livre ou qu'il y a inscrit ses actions bonnes ou mauvaises on a plusieurs adillah plusieurs preuves certaines preuves min al-Qur'an ou min al-Sunnah ça montre que c'est le livre de cette personne d'autres ahadith la personne d'autres ahadith ses œuvres fama al-jam Ibn Kathir il a cité un jam' tayyib comment on peut rassembler tous ces ahadith ahsant awalan il n'y a pas de contradiction entre les aqwal hatta on dit al-sahih c'est les œuvres et c'est pas la personne elle-même ou c'est pas son livre. Là, on peut faire le jam'a. Et ça, c'est muhim dans notre dit. Les ulama, ils insistent, tant que tu peux faire le jam'a bain al-adillah, tu ne rejettes pas. Surtout, c'est, bien sûr, c'est des adillah sahiha, fatajma. Il n'y a aucune contradiction. Parfois, ça sera la personne, parfois, ça sera son livre, ou parfois, ça sera les bonnes actions, ou les actions, bonnes ou mauvaises. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a précisé quelque chose. La plupart des adillah. نعم أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل تنبيه شيخ ابن عثيمين للطيب أن la plupart du temps c'est les œuvres la plupart des preuves elles sont venues pour montrer les œuvres qui seront pesées لكن vu qu'on a d'autres preuves qui sont authentiques فنقول il n'y a pas de contradiction la plupart du temps c'est les œuvres et أحيانا ça sera la personne ou son livre هذا خلاصة القول في هذه المسألة المهمة donc La croyance des salafs fi hadha annahum yu'minuna bi hadha al-mizan pourquoi parce qu'il a été cité fi al-Qur'an wa fi as-sunnah et ils ont la croyance que c'est un mizan haqiqi avec deux plateaux et Allah subhanahu wa ta'ala il jugera les personnes et leurs œuvres ou eux-mêmes ou leurs livres ils seront pesés sur cette balance wa nahnu nastafid min hadha annahu ya fa'ida 'azima pour le mu'min annahu yafit tout Et un de ses objectifs fi dunya, c'est que ce mizan il penche du côté des bonnes actions. Et yastavid annahu yahdhar des dhunub, des ma'asi, des mukhalafat. Li'anna fi hadha al-yawm, celui que son mizan il penche pas du côté des bonnes actions, fa il sera fi khasara, comme a dit Azza wa Jalla, on a cité le verset, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Si tu veux réussir, Akhil Karim, pense toujours à ce mizan et fais tout pour que ce mizan il soit en ta faveur et au Yawm al-Qiyamah. Et la chose la plus lourde, comme taqaddam ma'ana fi hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est quoi? At-tawhid. Et celui qui n'a pas de tawhid, ses œuvres elles sont rejetées. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال عز وجل celui qui fait du shirk يوم القيامة il vient il n'a plus d'œuvre comment espérer que la balance elle penche du bon côté il n'a plus d'œuvre Allah il lui a tout annulé à cause de son shirk on fait des efforts في التوحيد on fait attention au shirk et كذلك on fait des efforts في العمل الصالح وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ أما سوك عيادا بالله يرانكونترون الله سبحانه وتعالى بشرك وبضلال وكفر فهؤلاء يسون على خطر يسون في خسارة هذا الذي استفدناه من هذا الدرس واليوم نقرأ ما يتعلق بالحوض إن شاء الله تعالى من يريد يقرأ المنظومة أولا كيسيكي بغسيتي المنظومة تفضل هاي يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنهم صديق لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد معدتها إلى نقالها وأصنها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل أوقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأنني منه ريا أرجو بأني ريا أنهل. أحسنت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أما ما يتعلق بالميزان ولله الحمد on l'a vu dans le درس précédent. واليوم كما قلنا نقرأ ما يتعلق بالحوض بإذن الله عز وجل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. وقال رواها من الصحابة 32 صحابيا. C'est ça التواتر. C'est que le hadith il a été rapporté par plusieurs compagnons dans plusieurs chaînes de transmission. فهنا une trentaine de compagnons qui ont rapporté les ahadith fi al-hawd. Li'anna ta'lamun anna ahl al-bid'a différencient entre tawatur wal ahad, fa pour eux ils acceptent tawatur et rejettent l'ahad et hada c'est batil. Amma sunni walillahi alhamd, tant que le hadith il est thabit, que ce soit min tariq wahid ou plusieurs turuq, plusieurs chaînes de transmission, fa ils acceptent. Lakin i'lam anna ma yata'alaq bil hawd فجاء متواترا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير المفسر تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. ابن كثير رحمة الله عليه على فن دوسون ليفر البداية والنهاية يسيت ما يتعلق بيوم القيامة إلى سيتي beaucoup de ces ahadiths fi al-hawd. كذلك في الصحيحين وفي السنن تتخوف هذه الأحاديث. قال السيوطي رحمه الله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. السيوطي رحمه الله dans ces deux vers de poésie il a rassemblé les ahadiths ou certains ahadiths التي جاءت متواترة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc parmi ces hadiths, le hadith ma yata'alaq bil hawd, kadhalik shafa'a, kadhalik mas'al al-khuffayn, essuyer sur ses chaussettes sur le khuff, kadhalik man kadhaba 'alayya muta'ammidan, tous ces hadiths fa mutawatira. Wa min al-adilla 'ala al-hawd qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ana faratukum 'ala al-hawd. Fa fi hadha al-hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité hadha al-hawd. Qal wa ja'a min hadith aw ja'a min hadith Anas ibn Malik ay ce hadith أنا فرتكم على الحوض وأبي هريرة وجابر بن سمرة وجندب بن عبد الله والسهل بن سعد وأبي سعيد الخضري وأم سلمة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم وكلها في الصحيحين أو أحدهما. Donc tous ses compagnons ils ont rapporté ce hadith في الحوض et tous ces hadiths ils sont في الصحيحين البخاري أو مسلم أو un des deux إما البخاري إما مسلم. المهم سيدي أحاديث صحيحة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. La distance de ce حوض c'est شهر. Et en général بل النبي صلى الله عليه وسلم quand il cite ce genre de distance un mois c'est un mois de marche. Donc ça te montre la distance de ce حوض. Et on va voir, Inch'Allah, à la fin du dors, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des exemples. Et entre deux villes. Matalan, San'a, wa Ayla, etc. On verra hada. Donc, la distance, c'est Masira Tushah, un mois de marche. Wa Zawaya, Sawa. Et ses côtés, ils sont identiques. هذا كما يقول بعض أهل العلم ça montre que ce حوض il est مربع il est carré il y en a chaque côté il est égal et ça fait un حوض un bassin on a oublié de traduire le حوض c'est le bassin مما يشرب منه يوم القيامة donc ce bassin il est en forme carré rectangulaire il est pas rond وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك ça c'est صفات هذا الحوض son eau elle est plus blanche que al-wariq wa rihuhu al-wariq c'est al-fidda l'argent wa rihuhu atyab min al-misk son odeur elle est meilleure que le misk qal wa kizanuhu ka nujum as-sama al-kizan c'est jam' kouz ou al-kouz c'est ina'un yushrabu min c'est un récipient dans lequel on boit ay un verre des verres وَكِزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَا ça c'est le nombre de ces récipients كَنُجُومِ السَّمَا comme le nombre des étoiles فَهَذَا سَنْ عَدَدْ عَظِيمْ كَبِيرْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَضْمَ بَعْدَهُ أَبْدَى et ça c'est le fadila la récompense en celui qui boit de ce haut il n'aura plus jamais soif أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ce hadith il est clair في وجود هذا الحوض أن الله سبحانه وتعالى il a donné ce haud au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est clair que les mu'minouns boiront de ce haud. Wa akhraja Muslim an Abi Dharr radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulallah ma aniyatul haud. Abu Dharr il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam an aniyatul haud, les récipients, les verres. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ donc النبي صلى الله عليه وسلم il lui a répondu Et il a juré, alayhi salatu salam, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ أَنَّ آنِيَتَهُ أَكْثَرْ مِنْ عَدَدْ نُجُومِ السَّمَا وَكَوَاكِبِهَا Donc plus que les étoiles et les astres. كذلك, النبي صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, il a démontré أَنَّ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فِيهِ مِزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ Ça montre que la source de ce haut, c'est le jannah. Et on verra que c'est le kawthar. كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الْكَوْثَر c'est un Nahar, un fleuve que Allah il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam fil jannah, et ce fleuve il se déversera fil hawd. Enfin, la source du hawd c'est l'eau de jannah du kawthar. Qala fihi mizaban min al jannah man shariba minhu lam yadhma 'arduhu mithla tulihi. Et ça كذلك ça montre qu'il est murabba', qu'il est en forme de carré rectangulaire. 'Arduhu mithla tulihi. Ay sa largeur elle est comme sa longueur. Ma bayna عمان إلى أيلة عمان c'est في الشام أي l'actuel Jordanie وأيلة كذلك c'est في الشام donc ça c'est des distances que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam montre pour que son auditeur y comprenne cette distance c'est pour ça qu'on verra dans d'autres hadiths un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il citera d'autres villes أي à chacun il parle avec les connaissances qu'il a et ça c'est مهم pour الدعوة Et pour montrer une chose, que tu parles à ton interlocuteur, à celui qui t'entend, avec des choses qu'il comprend. Mal lui citer des villes, des distances qu'il ne connaît pas, ou qu'il n'a aucune connaissance, il n'a jamais vu. Le but de ces exemples, c'est de montrer, ou de rapprocher, al-fahm, la compréhension, cette distance. قَالَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنْ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ Donc dans ce hadith, ashaddu bayadan min al-laban et dans l'autre min al-wariq. Et ça c'est des exemples pour montrer annas l'eau de ce haud elle est blanche. Bal ashaddu min al-laban, elle est encore plus blanche que le lait. Wa ahla min al-asal, elle est plus sucrée que le miel. Wa akhraja Muslim aydan an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala aghfa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ighfa'atan fa rafa'a ra'sahu mutabassiman. فقالوا ما أضحكك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم il a souri et ils lui ont demandé pourquoi tu souris يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي آنفا سورة Anifan ay qariban, il y a peu de temps, une sourate, elle m'a été révélée. Faqara'a inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, ila akhir as-sourah. Thumma qala hal tadruna mal kawthar? L'an c'est important pour faire le lien entre le kawthar et al-hawd. Al-hawd c'est ce bassin en forme carrée yawm al-qiyam. Ay fi ard al-mahshar. On n'est pas encore fil jannah. Al-Kawthar, c'est un fleuve fil jannah. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam cite les deux, il va faire le lien. Qala thumma qala hal tadruna mal kawthar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ça montre al-adab. Celui qui ne sait pas une chose, fayaqul Allah a'lam. Amma fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant, il disait Allah wa rasuluhu a'lam. Amma ba'da mawtihi, on dit Allah a'lam. قال هو نهر اعطانيه ربي عز وجل في الجنه سامونت خلنا الكوثر اللي في الجنه عليه خير كثير ترد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد الكواكب الان يا اشكال ان البعض يفون دير قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه امتي يوم القيامه اي ما امه يفون باسي ا كوتي دو سو كوثر الان في يوم القيامه فالبعض يفون دير الكوثر سي الحوض. Ou est-ce que c'est différent? Inch'Allah, tu as été ma'ana hadhi al-mas'ala. Aniyatuhu, adadu al-kawakib, yakhtaliju al-abdu minha, fa'akul ya Rab, innahum min ummati, fayuqalu li, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Cette mas'ala, on avait vu fi, ma yata'allak bi as-sahaba radiyallahu anhum. Et on avait vu anna al-murad, c'est pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama yakul الروافض الزنادقة بل les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça sera les premiers qui boiront لأنهم c'est les plus proches du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam لكن هذا في الذين بدلوا وغيروا كما في رواية أخرى ceux qui ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont délaissé le din après le prophète sallallahu alayhi wa sallam فهؤلاء لا يشربوا أما أهل السنة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيحق الناس بإذن الله عز وجل كي بواغون من هذا الحوض قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله والذي يتخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر سأسامونت قول ابن أبي العز هذا القول الصحيح أن اللو دو حوض سنود الجنة أي دو كوثر سأسامونت كلا سوخ سل كوثر. Et l'eau du Kawthar, elle se verse, elle se déversera sur ou dans le Hawd. Hada huwa sahih. C'est deux choses différentes. Al Kawthar il est fil Jannah, et le Hawd c'est yawm al qiyamah. Alladhi huwa ashadd bayadan min al-laban wa abrad min al-thalj wa ahla min al-'asal wa atyab rihan min al-misk wa huwa fi ghayat al-ittisa'. Na'am, ay il est immense. Wa qala 'arduhu wa tuluhu sawa, largeur et longueur identiques. كل زاوية من زواياه الزاوية c'est les côtés مسيرة شهر المسيرة c'est la distance donc les côtés sont identiques et la distance un mois de marche وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فالكوثر هو مادة الحوض كما جاء في حديث أبي ذر في مسلم يشخب فيه مزابان من الجنة donc حديث أبي ذر في مسلم il nous démontre أن الحوض sa source est le kawthar. ومن هذا الباب يطلق على الحوض كوثر. Et ça c'est une faïda. لأن واحد peut nous dire mais pourquoi في حديث Anas ibn Malik رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم il a parlé du kawthar ثم قال ترد عليه أمتي يوم القيامة. أي ما أمة ils vont passer par ce kawthar يوم القيامة. الحافظ ابن حجر يقول أنه أطلق عليه اسم الكوثر أي النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé le حوض كوثر لأن sa source c'est le كوثر وإلا فهو c'est un حوض يوم القيامة et il est carré c'est pas un نهر il y a une différence entre un حوض et un نهر un bassin et un fleuve فقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لطيب أن هذا c'est من باب إطلاق الحوض نعم قال نعيد الكلام وقال وهذا ومن هذا باب يطلق على الحوض الكوثر أي نعم مادة الحوض الكوثر فأطلق على الحوض الأصل أي سسخص الكوثر قال لكونه يمد منه أي سسخص L'eau du Haoud, elle vient de Al-Kawthar. Qala unzur al-fath, ay fath al-bari. Fahada huwa al-qawl al-sahih. Donc, Al-Kawthar c'est fil Jannah, et Al-Haoud c'est yawm al-qiyamah. Et vous verrez, inshallah ta'ala, dans d'autres livres, des détails sur ce Haoud, et son endroit. Kadhalik, est-ce qu'il y a un Haoud ou plusieurs Haoud? Tout ça, bi-idhnillahi azza wa jal, dans d'autres livres. قال عدد آنية الحوض أي le nombre الآنية c'est les récipients أي dans lesquels المؤمنون يبوعون تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد هذه الآنية أكثر من نجوم السماء قال الإمام النووي رحمه الله المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره وأنها أكثر عددا من نجوم السماء نعم هذا الصحيح أن السعدد إلى على الظاهر On laisse le hadith comme il est. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala akthar min adad nujum al-sama, ay ces récipients ils seront plus nombreux que les étoiles. Ben, nous, on a cette croyance que les récipients ils seront plus nombreux que les étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir wa yakhluqu ma yasha, azza wa jal. Wa la mani' aqli wa la shar'i yamna' min dhalik. Naam, il n'y a aucune contradiction avec un texte ou avec la raison. Là, Allah il est capable de tout. Allah il va créer ces récipients أكثر من نجوم السماء بل ورد الشرع به مؤكدا كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد من عدد نجوم السماء بل كما قال الإمام النووي le prophète صلى الله عليه وسلم il a juré ça montre أن les récipients ils seront plus nombreux que les étoiles ثم ذكر عن القاضي أن هذا من باب المبالغة الإمام النووي il a cité أن القاضي عياض الإمام النووي لسيد بوكو في شرح مسلم لأنه هو القاضي عياض كذلك إن الشرع على صحيح مسلم والإمام النووي استفاد منه يغبط كل قاضي الذي هذا من باب المبالغة أي c'est pour montrer que il y aura beaucoup de récipients ça veut pas dire que les récipients sont plus nombreux que les étoiles هذا قول القاضي الصحيح c'est ما رجحه الإمام النووي c'est que ce hadith c'est من أمور الغيب فان le laisse comme il est على الظاهر et Allah il est capable de tout فلا مانع طول الحوض وعرضه الآن la distance تقدم معنا أن العرض والطول سواء la longueur et la largeur elles sont identiques c'est pour ça que بعض العلماء disent que الحوض il est مربع il est en forme carré c'est pas un حوض circulaire en forme de cercle قال اختلفت الروايات في طوله وعرضه ففي بعض الروايات مسيرة شهر on a plusieurs hadith et c'est des hadith صحيحة Et les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cités sont différents. Enfin, dans certains hadiths, masiratu shahr, la distance de un mois. Et on a dit un mois de marche. قال وفي بعضها ما بين أيلة والجحفة. أيلة, c'est في الشام. Et الجحفة, c'est connu, c'est ميقات أهل الشام. كذلك, c'est au nord de l'Arabie, en direction du Sham. C'est pour ça que c'est le ميقات. Ceux qui font le Hajj, من الشام, ils viennent par الجحفة. المهم, c'est deux villes. أيلة والجحفة وفي بعضها ما بين صنعاء والمدينة صنعاء معروفة في اليمن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et cette distance elle est plus simple ربما pour nous. صنعاء المدينة, on connaît à peu près cette distance. فهذا الحوض sa distance c'est من صنعاء إلى المدينة. وفي بعضها ما بين عمان إلى أيلة عمان on a dit c'est في الشام أيلة كذلك. وفي بعضها ما بين أيلة إلى عدن Et dans d'autres riwayat, min Ayla il Aden, Aden fi Janoub au sud du Yémen, et Ayla fi Sham. Wa fi ba'dhiha ma bayna al-Madina ila Amman. Et dans d'autres, al-Madina ila Amman. Wal ulama, ils ont fait le jam' bayna hadhihi al-ahadith. Et on a déjà dit que si c'est des ahadith sahiha, tant qu'on peut faire le jam', on doit faire le jam'. Et min al-muhim fi hadha al-bab, c'est de revenir à ahl al-ilm. Lana nahnu ahyanan. بل كثيرا on a pas assez de ilm pour comprendre pour faire le jam' ففي هذا الحال on doit revenir à أهل العلم et ils vont nous démontrer comment comprendre les ahadith en apparence c'est t'as du mal à comprendre لكن quand ils expliquent vous allez voir que c'est très simple قال القاضي عياض رحمه الله وهذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف vous vous rappelez on a في البيقونية on a étudié ensemble الحديث المضطرب. Qu'est-ce qu'on avait dit في الحديث المضطرب تذكرون Anna, c'est un hadith sahih. Et ce hadith, c'est le même hadith, lakin il y a des choses qui se contredisent. Marra, le rawi dit telle chose, une autre fois il dit telle chose. Et c'est le même rawi, le hadith il est sahih. On a précisé sahih, liannahu il serait vaif, on aurait dit le hadith il est vaif. On a précisé, c'est le même hadith, liannahu, s'il y a plusieurs hadiths, tu peux faire le jam. Al-Qadi Iyad, il va démontrer que ce n'est pas min bab al-ittirab. Pourquoi? C'est plusieurs hadiths. Enfin, tu peux faire le jam. Mais ça serait qu'un hadith, on aurait dit muttarib. Une fois le rawi rapporte hada à Nabi sallam, une fois hada, on aurait pu dire le rapporteur il s'est trompé, il a oublié, il a rajouté. Mais l'an, c'est plusieurs rapporteurs. Plusieurs hadiths, différents compagnons du prophète sallam, différents narrateurs. Enfin, on ne peut pas dire muttarib. Et ça, on l'avait détaillé ensemble, fi al-bayquniya. لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من اختلاف الرواية كذلك ces différences c'est pas une divergence entre rawi là c'est le prophète sallam il a cité plusieurs images plusieurs exemples et on va voir qu'il y a une faïda pourquoi قال لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا ça serait dans le même hadith on aurait dit c'est muttarib hey il y a un manque de dhabt. Il y en a une fois, il cite cette ville, une autre fois, cette autre ville. Et ce narrateur, un des narrateurs de la chaîne du hadith. Lakin, un de ces plusieurs hadiths, donc on ne peut pas dire muttarib. Wa innama ja'a fi ahadith mukhtalifa min ghayri wahid min as-sahaba wa qad sami'uhu fi mawatin muta'addida. Plusieurs compagnons, ils ont entendu ces ahadiths. Et chacun, il a entendu. مثلاً un compagnon il a entendu entre Sana'a et Medina, un autre il a entendu entre Ayla ou Al-Ju'fa, un autre il a entendu entre Al-Medina ou Amman. Donc chaque compagnon il rapporte ce qu'il a entendu. Et c'est tous des hadiths sahihah, donc on ne peut pas parler des tarab. Baqiya, comment on fait Al-Jam'a? Comment comprendre? Lianna, c'est des villes différentes. قال وإنما جاء في أحاديث مختلفة من غير واحد من الصحابة وقد سمعوه في مواطن متعددة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السائل. Et ça c'est un جواب طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم par rapport à son auditeur, la personne qu'il avait en face de lui, un Nabi صلى الله عليه وسلم lui cite un exemple qui comprend. فمثلا هذا il va comprendre Al-Madina et Aden, il va lui citer par rapport aux villes qu'il connaît. Wahed, il connaît mieux les villes du Sham, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné des exemples. Et puis, Ayla ou Amman. Et ça, ça nous montre كذلك, An-Nadda'i ilallah, comme on a cité, il parle à son interlocuteur avec des choses qu'il comprend. Il y en a le but, c'est de faire comprendre. Le but, c'est de propager ce haq. Hadithu al-Nas, bima yafhamoun ou bima yafqahoun. قال علي رضي الله عنه اي parler aux gens avec ce qu'ils comprennent et ça c'est muhim الحق c'est الحق on n'a pas le droit de déformer الدليل c'est الدليل لكن comment faire parvenir ce حق emploie اخي الكريم des choses que les gens ils comprennent tu leur facilites s'ils ne comprennent pas l'arabe tu lui cites الدليل بالعربيه si tu peux ثم tu lui expliques avec la langue qu'il comprend et tu lui rapproches المعنى بفهم العلماء c'est ça المهم et s'il a besoin d'un exemple فمثلا si c'est une personne qui travaille dans le domaine de l'industrie ou dans la médecine, tu peux lui citer un domaine ou un exemple qui est lié à son domaine, il va mieux comprendre. Hada c'est min al-hikma fi ad-da'wa. Et t'as un exemple avec an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-imam an-nawawi rahimahullah laysa fi dhikr al-masafa al-qalila ma yadfa' al-masafa al-kathira fal-akthar thabit fi al-hadith as-sahih. Na'am. Kadhalika anna li petite distance il y en a واحد, il va dire mais c'est pas les mêmes distances. Matalan Ayla Aden c'est le sud de la péninsule arabique et le sud du Yémen et Ayla c'est Sham. C'est beaucoup plus grand que matalan n'am Ayla Aden c'est la plus grande بين par exemple Medina ou Amman ou Sana'a ou Medina. La chaque anna c'est plus proche. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala يقول les petites distances elles rentrent dans les grandes. Il y a pas de contradiction. Maintenant, la distance de 400 km, si on donne un mitel en kilomètres, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité une distance de 1000 km. Les 400, la chèque que ça rentre dans les 1000. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un autre compagnon, il lui a rajouté. Il n'y a aucun ishkal. Et fil haqiqa, al-muhim, c'est de comprendre que ce hawd, il est énorme. Et kadhalik min al-muhim, c'est de faire partie de ha'oula qui boiront min hadha al-hawd. C'est ça, al-muhim. Amma nahnu nu'min bi hadha kullihi. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit hadha. Même si arrive qu'on comprenne pas, on n'arrive pas à faire le jam', si c'est des hadiths sahiha, à la fin on dit amanna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala. Même si on n'a pas compris, on se remet en cause nous, et l'essentiel c'est de croire à ce hawd. Hadha wallahu ta'ala a'lam. Qala ba'duhum wa akhtarahu al-hafidh سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها. Et ça c'est une autre réponse. طيب. On a certains, vu qu'on a dit que le prophète ﷺ quand il donnait les distances c'était la marche, la distance d'un mois c'est la marche. فبعضهم ils vont faire cette distance très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils avancent vite, ils marchent vite, et d'autres moins. C'est pour ça que les distances elles sont différentes par rapport à l'allure. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité plusieurs amthila. Et comme on a dit, le muhim c'est de croire en ce hawd et que c'est un hawd azim. وعدمها فقد عهد في الناس من يقطع مسافة عشرة أيام في ثلاثة أيام وعكسه وأكثر من ذلك وأقل. Certains ils vont faire une distance en 3 jours. Un autre, la même distance, il va la faire en 10 jours. Donc, si tu parles à quelqu'un et tu veux lui montrer cette distance, فربما tu peux dire 3 jours en te basant sur celui qui marche lentement, et tu pourras dire 10 jours en te basant sur celui qui marche rapidement. C'est pour ça que tu auras une différence. Il y a une différence par rapport à l'allure. Wallahu a'lam. Qala unzur al-fath kadhalik sharh sahih muslim de l'imam an-Nawawi. Fahada ma yata'allaq bi hadha ad-dars. On récapitule anna al-mu'min il a cette croyance anna Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé ce hawd, il a créé ce hawd pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et boiront de ce hawd, sauf ceux qui ont changé, qui ont délaissé la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. كذلك نؤمن أن هذا الحوض sa source est Al-Kawthar qui est fil Jannah, donc son eau c'est min Al-Jannah, elle est plus blanche que le lait, plus sucrée que l'assel, que le miel, et كذلك كذلك elle est une odeur meilleure que le misc. كذلك on a la croyance en les récipients, ils seront plus nombreux que les étoiles. والحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء أي ceux qui profiteront et qui boiront de هذا الحوض.